Bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle, allez, on va se mettre carrément en Uruguay, carrément dans la jungle pour le retour d'Anaconda. C'est une nouvelle écrite par Horacio Quiroga qui est parue aux éditions Métellier. C'est donc un écrivain uruguayen né en 1878. Il est mort en Argentine en 1937. Donc c'est dans la forêt tropicale qu'il écrit la plupart de ses récits. Eh bien oui, on va discuter un petit peu avec l'anaconda. Je commence. Quand Anaconda, avec la complicité des animaux du tropique, médita et planifia la reconquête du fleuve, elle venait d'avoir 30 ans. C'était un jeune serpent de 10 mètres, en pleine possession de sa force. Dans son vaste territoire de chasse, il n'existait pas de tigre ou de cerf capable de résister à son étreinte. Sous la contraction de ses anneaux, la vie s'enfuyait, s'évanouissait jusqu'à la mort. Devant l'ondoiement des hautes herbes qui trahissaient le passage du grand boa en quête de nourriture, la jonchée se hérissait d'oreilles effrayées. Et lorsqu'aux heures calmes du crépuscule, Anaconda se baignait dans le fleuve embrasé de lumière, un halo de silence nimbait ses 10 mètres de velours sombre. Cependant, elle ne faisait pas toujours le vide autour d'elle, comme un gaz mortifère. Son allure et ses intentions paisibles, imperceptibles pour l'homme, étaient devinées de loin par les animaux. « Bonjour !» disait Anaconda au yacaré lorsqu'elle longeait les marécages. « Bonjour !» répondaient aimablement les crocodiles au soleil en soulevant à grand-peine la boue qui soudait leurs paupières globuleuses. « Il va faire très chaud aujourd'hui !» lui lançaient les singes suspendus aux branches qui reconnaissaient à la flexion des arbustes le grand serpent en mouvement. « Oui, très chaud !» répondait Anaconda en traînant dans son sillage le babil et les têtes pivotantes des singes qui n'étaient guère rassurés. Car singes et serpents, oiseaux et couleuvres, mulots et vipères sont voués à des rencontres funestes dont l'échéance n'est que provisoirement retardée par l'approche effrayante des grands ouragans ou l'épuisement dû aux longues sécheresses. Seule l'adaptation à un même milieu, partagé depuis les temps immémoriaux de l'espèce animale, peut faire obstacle lors des cataclysmes à cette fatalité de la faim. C'est ainsi que par grande sécheresse, les tourments des flamants, des tortues, des rats et des anacondas s'unissent en une seule et même supplique, désespérée pour une goutte d'eau. Quand nous avons rencontré notre anaconda, la forêt se trouvait sur le point de voir sombrer misérablement cette fraternité du désespoir. Depuis 2 mois, la pluie ne crépitait plus sur le feuillage poussiéreux. Même la rosée vie et baume de la flore brûlée avait disparu. D'un crépuscule à l'autre, nuit après nuit, la terre se fendillait comme à l'intérieur d'un four. Du lit des ruisseaux ombragés, il ne restait que des pierres lisses et brûlantes. Et les épais marécages aux noms noirs, peuplés d'algues et de lianes, s'étaient transformés en étendues d'argile craquelée, jonchées de lambeaux de végétaux durcis qui couvraient le sol comme des filaments d'étoupe. C'était tout ce qui subsistait de la flore aquatique. Aux lisières de la forêt, les cactus, naguère dressés comme des candélabres, ployaient à terre, leurs bras traînant sur le sol si dur qu'ils résonnaient au moindre choc. L'un après l'autre, les jours s'écoulaient, voilés par les brumes de chaleur, sous un ciel de feu d'une blancheur aveuglante, où se mouvait un soleil jaune et sans rayons, qui, à l'approche du soir, descendait lentement, enveloppé de vapeur comme une énorme braise étouffée. Anaconda, qui menait une vie vagabonde, aurait pu s'épargner les pénibles épreuves de la sécheresse. Au-delà des marais à sec, vers le soleil levant, coulaient les eaux fraîches du Paranayaba, le grand fleuve natal accessible en une demi-journée. Mais le boa n'allait plus à son fleuve. Pourtant, du plus loin que remontait sa mémoire et celle de ses ancêtres, ce fleuve était le sien. Eau, cascade, loutre, tempête et solitude, tout lui appartenait. Ce temps-là était révolu. Un homme, seul d'abord, poussé par son misérable désir de voir, de toucher et de détruire, était apparu derrière le banc de sable sur une longue pirogue. Puis, d'autres hommes étaient venus, et d'autres encore, chaque fois plus nombreux, et tous sentaient mauvais, tous puaient le feu et le fer. Ils venaient du sud et remontaient le fleuve. À bien des journées de là, le Paranayaba portait un autre nom. Ce qu'Anaconda n'ignorait pas. Mais plus loin encore, vers cet abîme mystérieux où l'eau se déversait, n'y avait-il pas une limite, un immense bas-fond capable de freiner les flots? Les hommes venaient sans doute de là-bas, ainsi que les haques et les mules en liberté qui souillaient la forêt. Si au moins Anaconda pouvait fermer le Paranayaba, et si elle pouvait lui rendre son silence sauvage et retrouver les délices d'antan, quand elle traversait le fleuve en sifflant dans la nuit noire, la tête dressée à 3 mètres au-dessus des eaux vaporeuses. Oui, créer un barrage qui fermerait le fleuve. Brusquement, elle pensa aux algues. Anaconda n'avait pas encore beaucoup vécu, mais elle savait que certaines crues avaient précipité dans le Paranéa des millions de troncs déracinés et de plantes aquatiques, des mousses et des bougues. Où donc tout cela était-il en train de pourrir? À quel cimetière naturel serait capable de retenir cette marée végétale poussée par une crue sans précédent? Elle se souvenait bien de la crue de 1883, de l'inondation de 1894, mais après ces 11 années de pluie rare, le tropique devait éprouver, comme elle, au fond de sa gueule, une soif infernale. Sa sensibilité ophidienne à l'atmosphère faisait frémir ses écailles d'espoir. Elle sentait le déluge imminent. Aussi, telle Pierre l'ermite, Anaconda entreprit de prêcher la croisade tout au long des ruisseaux et des sources. La sécheresse ne touchait pas la totalité de l'immense bassin fluvial. Après de longues journées de route, les narines du boa se dilatèrent à la lourde humidité des marécages, couverts de victoria et à l'odeur de formol des petites fourmis qui creusaient leurs tunnels. Anaconda n'eut guère de difficulté à convaincre les animaux. L'homme restait pour eux le plus cruel ennemi de la forêt. Si on ferme le fleuve, conclut Anaconda après avoir longuement exposé son plan, les hommes ne pourront plus remonter jusqu'ici. Mais il faudrait de fortes pluies, objectèrent les rats qui ne pouvaient s'empêcher d'être sceptiques. Nous ne savons pas si elles vont venir. Elles viendront, et plus tôt que vous ne l'imaginez, je le sais. « Elle le sait, confirmèrent les vipères. Elle a vécu chez les hommes. Elle les connaît. »« Oui, je les connais. Et je sais qu'un seul ponté d'Eria, un seul, peut entraîner à la dérive, lors d'une grande crue, la tombe d'un homme. »« C'est vrai, approuvèrent les vipères, avec un doux sourire. Peut-être même 2. »« Oui, oui, ou 5, lança un vieux tigre en un bâillement caverneux. « Mais dites-moi, fit-il en s'étirant vers Anaconda, tu es sûr que les plantes suffiront pour fermer le fleuve? Je te demande ça, histoire de parler. » « Celles d'ici ne suffiront pas, bien sûr, ni toutes celles qui seront emportées à 200 lieues à la ronde. J'avoue que tu viens de poser la seule question qui m'inquiète un peu. Non, frère, toutes les algues du Paranayaba, du Rio Grande et de tous leurs affluents ne parviendront pas à former un barrage de 10 lieues de long à travers le fleuve. Si je ne comptais que sur cela, il y a belle lurette que je me serais allongé au pied du premier paysan armé d'une machette. mais j'ai le ferme espoir que les pluies seront générales et inonderont aussi le bassin du Paraguay. Vous ne le connaissez pas, c'est un grand fleuve. S'il pleut là-bas, comme inévitablement, il pleuvra ici. Notre victoire est certaine. Frère, il y a là-bas d'immenses étendues de lianes et d'algues que nous ne pourrions parcourir, même en mettant nos vies bout à bout. Très bien, approuvèrent paresseusement les crocodiles somnolents. Ça doit être un beau pays. Mais comment saurons-nous s'il a plu là-bas avec nos courtes pattes ? Non, pauvre petit, sourit Anaconda en échangeant un regard ironique avec les cabiers assis prudemment à une dizaine de mètres. On ne nous enverra pas si loin. N'importe quel oiseau peut venir en un battement d'aile pour nous apporter la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas de ces oiseaux-là, protestèrent les toucans. Et il nous faudra bien une centaine de battements d'ailes, car nous volons lentement, mais nous n'avons peur de personne. Et nous volerons si personne ne nous y oblige, parce que tel est notre bon vouloir. Nous ne craignons personne. Essoufflés, les toucans regardèrent impavidement tous les autres, de leurs grands yeux d'or cerclés de bleu. Nous avons peur, chointa une hulotte grise, gonflée de sommeil. Ni de vous, ni de personne. Nous avons le vol court, mais peur, non, insistèrent les toucans, prenant de nouveau l'assemblée à témoin. Bien, bien, intervint Anaconda, voyant que le débat tournait allègre, comme éternellement tourne allègre dans la forêt, toute fanfaronnade. Personne ne craint personne, nous le savons bien. Les admirables toucans nous informeront donc du temps qui règne sur le bassin du fleuve Allier. Et nous le ferons parce que tel est notre bon plaisir. Personne ne nous y oblige, répétèrent les toucans. Si la réunion se poursuivait ainsi, le plan de bataille risquait d'être promptement oublié, ce que comprit Anaconda. Frère, se redressa-t-il en un sifflement vibrant. Nous perdons stérilement notre temps. Nous sommes tous égaux, mais à condition d'être unis. Chacun de nous pris séparément ne vaut pas grand-chose. Alliés, nous sommes le tropique. Lançons donc le tropique à l'assaut de l'homme, frère. L'homme détruit tout. Il n'est rien qu'il ne brise et ne souille. Lançons sur les eaux notre région entière, avec ses pluies, ses bêtes et ses plantes, ses fièvres et ses vipères. Lançons la forêt sur le fleuve jusqu'à le fermer. Arrachons tout, déracinons sans pitié s'il le faut, mais lançons le tropique à l'assaut. La parole des serpents a toujours été charmeuse. Enflammée, la jungle se dressa d'une seule voix. « Oui, Anaconda, tu as raison. Lançons la forêt sur les eaux. En avant, en avant !» Anaconda poussa un soupir de soulagement. La bataille était gagnée. L'âme, si l'on peut dire, d'une région entière, avec son climat, sa faune et sa flore, est difficile à bouleverser. Mais quand ses nerfs ont subi l'épreuve d'une atroce sécheresse, il n'est pas alors plus désirable perspective que celle d'un grand déluge. Lorsque le grand boa retourna dans son territoire, la sécheresse avait atteint son paroxysme. « Alors ?» demandèrent les bêtes anxieuses. « Ils sont d'accord avec nous ? Il va recommencer de pleuvoir ? Dis-nous, tu en es sûr, Anaconda ?»« J'en suis sûr. Avant la fin de cette lune, nous entendrons le grondement de l'eau dans la forêt. L'eau, frère, et qui ne cessera pas de sitôt. L'eau ! À ce mot magique, la forêt entière s'emplit d'une clameur aux accents désespérés. L'eau, l'eau ! Oui, et une immensité, mais ne nous précipitons pas dès que nous l'entendrons mugir. Nous avons de précieux alliés qui nous enverront des messagers au moment voulu. Scrutez le ciel en direction du nord-ouest, c'est de là que viendront les toucans. Quand ils apparaîtront, la victoire sera à nous. D'ici là, patience ! Mais comment exiger la patience d'êtres dont la peau se fendillait, qui avaient les yeux rougis par la conjonctivite et qui, au lieu de trotter, se traînaient sur leurs pattes, hagards. Jour après jour, le soleil se levait sur la terre en un intolérable flamboiement et se couchait, étouffé dans des vapeurs de sang. À la nuit tombée, Anaconda glissait jusqu'au Paranayaba, guettant dans l'obscurité le moindre frémissement de pluie qui devait venir de l'implacable nord. Les animaux les moins épuisés s'étaient traînés jusqu'à la berge et tout se passait des nuits sans sommeil et sans faim, humant dans le moindre souffle de brise, comme dans la vie même la plus infime odeur de terre mouillée. Une nuit, enfin, le miracle se produisit. Le vent apporta aux malheureux animaux de subtils effluves de feuilles mouillées, impossibles à confondre avec une autre odeur. « L'eau, l'eau !» entendit-on de nouveau clamer dans ce territoire désolé. Et l'allégresse fut totale. Lorsque 5 heures plus tard, au lever du jour, on entendit dans le silence le grondement sourd, encore lointain, du déluge qui, enfin, s'abattait sur la jungle. Le matin, le soleil brilla, non un soleil jaune, mais orangé, qui disparut à la mi-journée, et la pluie arriva épaisse et opaque, blanche comme de l'argent oxydé, imbibant la terre assoiffée. 10 jours. Et 10 nuits, durant le déluge, noya la forêt d'où s'élevaient des vapeurs. Et ce qui avait été une plaque de chaleur insupportable s'étendait maintenant jusqu'à l'horizon en une apaisante nappe d'eau. La flore aquatique reformait ses îlots verts qui se dilataient à vue d'œil, s'agrégeant à d'autres îlots. Lorsque plusieurs jours furent passés sans que l'on vît arriver les émissaires du nord-ouest, l'inquiétude s'empara des futurs croisés. « Ils ne viendront pas !» s'exclamait-il. « N'attendons plus Anaconda. Bientôt il sera trop tard. Les pluies ne dureront pas. »« Elles recommenceront. Patience, petit frère. Il est impossible qu'il ne pleuve pas là-bas. Les toucans volent mal. » Eux-mêmes le disent, ils sont peut-être en route, attendons 2 jours de plus. Mais Anaconda était loin d'éprouver la foi qu'elle affichait. Et si les toucans s'étaient perdus dans les brumes de la forêt fumante, et si par une inconcevable malchance le déluge avait épargné le nord-ouest, à une demi-journée de là, le Paranayaba grondait des torrents d'eau que déversaient ses affluents. Comme dans l'attente d'une colombe de Noé, les animaux anxieux gardaient les yeux fixés au nord-ouest, sur le ciel d'où viendrait le signal de départ de leur grande entreprise. Rien. Jusqu'à ce qu'un jour, dans les brumes d'un orage, les toucans trempés et tremblants apparussent en poussant des croassements. « Grande pluie ! Il pleut sur toute la vallée ! Tout est blanc d'eau !» Alors, une clameur sauvage s'éleva de la jungle entière. « En avant ! La victoire est à nous ! À l'attaque !» Et il était temps, car le Paranayaba débordait de son lit. Du fleuve jusqu'à la grande lagune, les marais n'étaient plus qu'une mer tranquille sur laquelle se balançaient mollement les bancs de plantes aquatiques. Au nord, sous la pression des eaux, la mer verte se mettait en mouvement, décrivant une grande courbe, léchant la forêt, et dérivait lentement vers le sud, aspirée par un courant rapide. L'heure était venue. Sous les yeux d'Anaconda, la région entière défila, prête à l'assaut. Victoria aux fleurs écloses la veille, et vieux crocodiles rougeâtres, fourmis et tigres, lianes et vipères, écume, tortue et fièvre, et jusqu'au déluge redoublant d'intensité, toute la forêt en route vers l'abîme des grandes crues acclama le boa. Lorsque tous furent passés devant elle, Anaconda, à son tour, se glissa dans les eaux du Paranayaba et, enroulée autour d'un tronc de cèdre arraché qui tournait sur lui-même au gré des courants, elle put enfin soupirer en souriant et fermer lentement ses yeux vitreux à la lumière du crépuscule. Elle se sentait heureuse, Commença alors un merveilleux voyage vers l'inconnu, car elle ignorait ce qui se trouvait derrière les grandes falaises de grès rose, entre lesquelles, au-delà de Guyara, le fleuve se resserre. Il lui était arrivé, en suivant le Tacuary, d'atteindre la vallée de Paraguay. Mais du Paranaya moyen et inférieur, elle ne connaissait rien. Sereine, toutefois, au spectacle de la forêt qui descendait, triomphale, ondulante, entre les rives encaissées, Anaconda, rafraîchie par la pluie, se laissait bercer par le fleuve, sous le déluge livide qui la plongeait dans une douce torpeur. Elle descendit ainsi son Paranayaba natal, observa l'apaisement des tourbillons au franchissement du Rio Muerto et se réveilla à peine lorsque le cèdre qui la portait et la forêt entière furent précipités à travers la brume dans les rapides du Guyara, dont les chutes en escalier ouvraient sur un gouffre abyssal. Longtemps, le fleuve étranglé brassa profondément ses eaux rouges. Mais deux journées plus tard, les rives encaissées s'écartaient de nouveau et les eaux, en un étirement onctueux, pur de tourbillons et de remous, s'écoulèrent à la vitesse de 9 miles à l'heure. À nouvelle région, nouveau climat. Ici, le ciel était limpide et le soleil radieux, à peine voilé par les brumes matinales. Tel un jeune serpent, Anaconda ouvrit des yeux étonnés sur le paysage de Misión, qui s'éveillait comme un souvenir confus, presque effacé, de sa prime jeunesse. Au premier rayon de soleil, elle revit la plage s'élever et flotter sur une brume laiteuse qui peu à peu se dissipait, s'attardant dans les anses ombragées en longs châles accrochés à la poupe mouillée des pirogues. En abordant le havre paisible des bas-fonds, elle éprouva de nouveau le délicieux vertige des eaux calmes qui paraissaient en courbes sinueuses, avant de se heurter de nouveau au courant où elle se transformait en flots bouillonnants et rougis qui semblaient grouillés de myriades de piranhas. Elle vit chaque soir le soleil rallumer l'incendie des crépuscules, tandis que haut dans le ciel voguaient de blancs nuages solitaires aux contours incandescents. Tout cela lui était familier, mais comme nimbé de la brume d'un songe. Attentive, surtout la nuit, aux poux chauds de l'inondation qui descendait avec elle, Anaconda se laissait glisser à la dérive. Subitement, elle s'enroula sur elle-même en un réflexe de défense. Le cèdre venait de heurter quelque chose de bizarre, ou du moins d'inhabituel sur le fleuve. Nul n'ignore ce qu'une grande crue entraîne au fil de l'eau ou à moitié immergée. Plusieurs fois déjà étaient passés sous le regard d'Anaconda des cadavres d'animaux noyés en amont qu'elle ne connaissait pas et qui sombraient peu à peu, déchiquetés par des corbeaux voraces. Elle avait vu les escargots grimpant par centaines le long des hautes branches secouées par le courant et les pies qui brisaient les coquilles à coups de bec. Et à la lueur de la lune, elle avait assisté au jeu aquatique des carambatas qui remontaient le fleuve, fendant l'onde de leur nageoire dorsale pour soudain plonger d'un même mouvement en soulevant une prodigieuse gerbe d'eau. Tout cela était l'apanage des grandes crues. Mais ce qui venait d'entrer en contact avec elle était un toit à deux pentes, celui d'une cabane effondrée que le courant entraînait sur un radeau de plantes. Une cabane emportée par les eaux, peut-être habitée par un naufragé qui s'y était réfugié. Avec d'infinies précautions, écaille après écaille, Anaconda explora l'île flottante. Elle était habitée, en effet, sous le toit de paille. Un homme était allongé. Il avait une large blessure à la gorge et il était mourant. Pendant un long moment, sans remuer fût-ce d'un millimètre l'extrémité de sa queue, Anaconda regarda fixement son ennemi. C'était dans cette anse du fleuve, protégée par les murailles de grès rose, qu'elle avait fait un jour la connaissance de l'homme. Elle n'en gardait pas un souvenir précis. Mais chaque fois que le hasard réveillait quelques vagues détails de son aventure, elle éprouvait une sensation de dégoût, une vive répulsion envers elle-même. Amis de nouveau ? Ça, jamais. Ennemis, bien sûr, puisque c'était contre les hommes que la lutte était engagée. Pourtant, Anaconda ne bougeait pas, et les heures passaient. Les ténèbres régnaient encore lorsque le grand serpent se déroula brusquement et se glissa au bord de l'îlot pour dresser sa tête vers les eaux noires. Elle avait senti, à leur odeur de poisson, la proximité de vipères. En effet, les vipères arrivaient en foule. « Que se passe-t-il ? » demanda Anaconda. « Vous savez bien que vous ne devez pas abandonner vos herbes. »« Nous le savons, » répondirent les intruses. « Mais il y a un homme ici, un ennemi de la forêt. Écarte-toi, Anaconda. »« Pourquoi ? On ne passe pas. Cet homme est blessé. Il est mort. » Qu'est-ce que ça peut te faire? S'il n'est pas mort, ça ne saurait tarder. Laisse-nous passer, Anaconda. » Le grand boa se dressa, cambrant profondément le cou. On ne passe pas, j'ai dit. Arrière, cet homme malade est sous ma protection. Gare à celle qui s'approche. Fais attention, sifflèrent les vipères en gonflant leur parotille de meurtrière. Attention à quoi? À ce que tu fais? Tu t'es vendu aux hommes, iguane à longue queue. À peine le serpent à sonnette eut-il sifflé le dernier mot que la tête du boa, telle une terrible massue, lui fracassa la mâchoire. Et le crotal se retrouva flottant au fil de l'eau, ventre à l'air, mort. « Je vous préviens, lança Anaconda d'une voix très aiguë, qu'une seul d'entre vous s'approche et il ne restera pas une vipère sur tout le territoire de Misione. Vendu, moi, misérable, à l'eau maintenant et n'oubliez pas, de jour comme de nuit, je ne veux voir aucune vipère tourner autour de l'homme. Compris ? C'est compris, firent dans les ténèbres la voix grave d'une grande Yarakakuzu. Mais un jour, tu devras nous rendre des comptes, Anaconda. « Dans le temps, répondit Anaconda, j'ai rendu des comptes à l'une d'entre vous. Elle n'a pas été très contente. Prends garde, belle Yara, et maintenant ouvrez l'œil. Bon voyage !» Cette fois encore, Anaconda n'était pas satisfaite. Pourquoi s'était-elle conduite ainsi? Qu'est-ce qui pouvait bien la lier à cet homme, un misérable péon, de toute évidence, qui agonisait la gorge ouverte? Le jour se levait. « Bah !» murmura-t-elle en contemplant une dernière fois le blessé. « Inutile de me tracasser pour cet individu. C'est un pauvre type, comme tous les autres, à qui il reste à peine une heure à vivre. » Et, en un dédaigneux mouvement de queue, elle se lova au centre de son île flottante. Mais, durant toute la journée, ses yeux ne cessèrent pas de surveiller les algues et les lianes. À la nuit tombée, de hautes fourmilières coniques qui dérivaient, maintenues à flot par les millions de fourmis noyées, agglutinées à la base, s'approchèrent de l'îlot. « Nous sommes les fourmis, Anaconda, » dirent-elles, « et nous venons te faire un reproche. Cet homme couché sur la paille est notre ennemi. Nous ne l'avons pas vu, mais les vipères savent qu'il est ici. Elles l'ont vu, l'homme dort sous le toit. Tue-le, Anaconda. » Non, petite sœur, mais repartez tranquille. Tu as tort, Anaconda. Laisse donc les vipères le tuer. Non plus. Vous connaissez la loi des inondations. Cet îlot est à moi. J'y suis installée. Paix, fourmi, paix. Les vipères nous ont tout raconté. Elles disent que tu t'es vendu aux hommes. Ne te fâche pas, Anaconda. Et qui encore le croit ? Personne d'autre, c'est vrai, mais les tigres ne sont pas contents. Ah, pourquoi ne viennent-ils pas me le dire ? Nous ne le savons pas, Anaconda. Moi, je le sais. Allez en paix, petite sœur, et prenez garde de ne pas vous noyer toutes, parce que nous avons besoin de vous. Ne craignez rien de votre Anaconda. Je suis et serai toujours la fidèle fille de la jungle. Dites-le à tous. Bonne nuit, mes petites camarades. Bonne nuit, Anaconda, s'empressèrent de répondre les fourmis, et la nuit les avala. Le grand boa avait donné tant de preuves d'intelligence et de loyauté qu'une vulgaire calomnie vipérine ne pouvait suffire à lui tirer le respect et l'amour de la forêt. Toutefois, les vipères, jouant un précieux rôle dans l'inondation, Anaconda, dont le peu de sympathie pour les serpents à sonnette et les yararas n'était un secret pour personne, reprit le chemin des eaux pour tenter d'apaiser les esprits. « Je ne cherche pas la guerre, » dit-elle aux vipères. « Comme hier et tout le temps que durera la campagne, j'appartiens corps et âme à la crue. Mais l'îlot est à moi et j'y fais ce que je veux, c'est tout. » Les vipères ne prononcèrent pas un mot, ni ne posèrent leurs yeux froids sur leur interlocutrice, comme si elles n'avaient rien entendu. Mauvais signe, croissèrent les flamands qui observaient de loin la rencontre. « Bah !» firent en reniflant les yacarés ruisselants qui grimpaient sur un tronc. « Laissons Anaconda tranquille, c'est son affaire. L'homme doit être déjà mort. » Mais l'homme ne mourrait pas. Au grand étonnement d'Anaconda, 3 jours s'étaient écoulés sans emporter avec eux le hoquet final de l'agonisant. Elle n'avait pas cessé de monter la garde. Mais si les vipères ne s'approchaient plus, d'autres pensées préoccupaient Anaconda. Selon ses calculs, un serpent d'eau possède plus de connaissances en hydrographie que n'importe quel homme. Ils auraient dû se trouver à proximité du Paraguay. Et sans la fantastique quantité de végétaux que ce fleuve charrie lors des grandes crues, la bataille était vouée à l'échec. Que représentait, pour combler et obstruer le Paranaya, ces radeaux d'herbe qui descendaient le Paranayaba, à côté des 180 000 km² de végétation des grands marécages de Xareï? La forêt qui voguait à la dérive le savait bien, notamment par les récits dont Anaconda avait émaillé sa croisade. De sorte que les rancœurs provoquées par la présence de l'homme blessé s'effacèrent devant l'angoisse des voyageurs qui, heure après heure, sondaient les eaux pour identifier la flore alliée. Et si les toucans, pensait Anaconda, s'étaient trompés en s'empressant d'annoncer une pluie sans lendemain? Anaconda, entendait-on de toutes parts dans les ténèbres, tu ne connais pas encore les eaux du Paraguay. Avons-nous été trompés, Anaconda? Je ne crois pas, répondait le boa soucieux. Un jour encore et nous les trouverons. Un jour de plus, nous perdons nos forces dans ce fleuve trop large. Un jour de plus, tu dis toujours la même chose, Anaconda. Patience, frère, je souffre beaucoup plus que vous. Le lendemain fut une rude journée, aggravée par l'extrême sécheresse de l'air et que le grand boa endura immobile, en position de vigie sur son radeau embrasé à la tombée du jour par un rayon de soleil qui traversait le fleuve comme une barre de métal en fusion. Cette nuit-là, Anaconda, qui nageait depuis des heures entre les îlots, goûtant anxieusement les eaux, poussa soudain un cri de triomphe. Elle venait de reconnaître, sous un immense radeau végétal à la dérive, la saveur salée des algues de l'Olidéenne. « Frère, nous sommes sauvés !» s'écria-t-elle. « Le Paraguay nous a rejoints. Il descend maintenant avec nous et il y a là-bas les grandes pluies. » Le moral de la forêt remonta comme par enchantement. Elle acclama la crue alliée dont les végétaux, épais comme la terre ferme, entraient enfin dans le Paranéa. Le lendemain, le soleil illumina cette épopée des deux grands fleuves dont les eaux à présent se confondaient. L'immense flore aquatique descendait, se soudant en vastes îles qui recouvraient le fleuve. Une rumeur enthousiaste s'élevait de la forêt en marche lorsque les végétaux du rivage, retenus par une nappe d'eau, stagnante, tournoyaient indécis sur la direction à prendre. « En avant, en avant !» hurlait la crue entière devant les obstacles. Et les lianes et les troncs couverts d'animaux se dégageaient de la succion, filant promptement sur les côtés. « En avant !» « Place, place » entendait-on d'une rive à l'autre, « la victoire est à nous !» et Anaconda en était persuadé. Son rêve devenait réalité. Ivre d'orgueil, elle jeta sur le toit de paille un regard triomphal. L'homme était mort. Il n'avait pas changé de position ni bougé un seul doigt et sa bouche restait ouverte. Mais il était bien mort, probablement depuis des heures. Devant cet événement, pourtant naturel et prévisible, Anaconda fut frappée d'étonnement, comme si l'obscur péon aurait dû, en dépit de sa race et de ses blessures, conserver pour sa protectrice sa misérable vie. Que lui importait cet homme ? Certes, elle l'avait défendu, elle l'avait protégé des vipères, veillant et préservant de l'inondation un souffle de vie hostile. Pourquoi ? Elle n'avait pas envie de le savoir. Le mort resterait ici, sous ce toit de paille, sans qu'elle s'en souciât davantage. D'autres choses l'inquiétaient. Sur le destin de la grande crue planait une menace qu'Anaconda n'avait pas prévue. Macérant de longues journées dans des eaux chaudes, la végétation fermentait. De grosses bulles remontaient à la surface et les graines amollies s'agglutinaient autour des îlots. Les berges escarpées avaient contenu un certain temps la montée des eaux et les végétaux flottants avaient alors totalement recouvert le fleuve, au point qu'on ne voyait plus l'eau, mais une immense étendue verte. Cependant, sur les basses rives, la crue, fatiguée et manquant de l'élan des premiers jours, refluait, agonisante, vers les terres inondables qui s'ouvraient sur son passage comme un piège. Plus bas encore, les grands radeaux végétaux se déchiraient sans force pour vaincre les bas-fonds et se réfugiaient dans les anses profondes. Bercées par l'eau et la douceur de l'air, les herbes obéissaient docilement au remous du rivage, remontaient lentement le Paranaya en deux grandes courbes et s'immobilisaient enfin au creux d'une plage pour y fleurir en paix. Anaconda n'échappait pas elle non plus à ces langueurs qui paralysaient l'inondation. Elle allait d'une rive à l'autre, sur son île flottante, sans nulle part trouver la paix. À ses côtés, l'homme mort se décomposait. Elle s'en approchait souvent, s'imprégnait de la chaleur de la fermentation, semblable à celle d'un coin de jungle. Puis faisait glisser longtemps son ventre chaud sur l'eau, comme à l'époque de son printemps natal. Mais cette eau, déjà trop fraîche, n'était pas un lieu propice. À l'ombre du toit de paille gisait le péon mort. Cette mort n'était-elle donc que la décision finale et stérile de l'être qu'elle avait veillé ? Rien, il ne restait rien de lui ? Peu à peu, avec la lenteur qui aurait été la sienne dans un sanctuaire naturel, Anaconda se leva et, à côté de l'homme qu'elle avait défendu comme sa propre vie, à la chaleur féconde de sa décomposition, témoignage posthume de connaissance que la forêt eût peut-être compris, Anaconda commença à déposer ses œufs. L'inondation était vaincue. Les fleuves alliés avaient beau être vastes et violents, les déluges, la passion de la flore avaient consumé la fougue de la grande crue. Certes, on voyait encore repasser des bancs d'algues, mais le cri « place, place » ne s'entendait plus nulle part. Anaconda ne rêvait plus. Elle connaissait l'étendue du désastre. Elle devinait l'immensité où l'inondation allait se diluer sans avoir pu fermer le fleuve. Fidèle à la chaleur de l'homme, elle continuait de déposer ses précieux œufs grâce auxquels survivrait son espèce, car pour elle-même, elle ne nourrissait aucun espoir. Sur l'eau froide à l'infini, les bancs de végétaux se désagrégeaient, se dispersaient à la surface. De longues vagues berçaient de manière désordonnée la forêt déchirée, dont la faune terrestre muette et désorientée s'enfonçait consternée dans la froideur de l'estuaire. De grands navires, les vainqueurs, enfumait au loin le ciel limpide, et un petit vapeur empanaché de blanc furetait entre les îlots disloqués. Au loin, Anaconda se détachait, dressé sur son radeau, et bien que réduit par la distance, ses robustes 10 mètres attirèrent l'attention des curieux. « Là-bas !» lança soudain une voix sur le petit vapeur. « Sur cet îlot, une énorme vipère !»« Quel monstre !» cria une autre voix. « Regardez, il y a une cabane effondrée. Il a sûrement tué son habitant. » Ou il l'a dévoré vivant. Ces animaux n'ont pas de pitié. On va venger ce malheureux avec une bonne balle. Au nom du ciel, n'approchons pas, s'écria le premier qui avait parlé. Ce monstre doit être furieux. Il est capable de nous attaquer s'il nous voit. Vous êtes sûr de l'atteindre d'ici? On va voir. Ça coûte rien d'essayer. Là-bas, sous le soleil levant qui dorait l'estuaire piqueté de vert, Anaconda avait vu le bateau et son panache de vapeur. Elle contemplait le spectacle avec indifférence lorsqu'elle remarqua un petit nuage de fumée à la proue et sa tête frappa aussitôt contre les piquets du radeau. Anaconda se redressa étonnée. Elle avait senti un petit coup sec sur son corps, peut-être sur la tête. Elle ne se l'expliquait pas. Elle avait cependant l'impression qu'il lui était arrivé quelque chose. Elle sentait son corps engourdi. Puis, elle commença à osciller, comme si tout se mettait à danser et s'obscurcissait. Elle vit soudain devant ses yeux la forêt natale comme un vivant paysage, mais à l'envers, et en transparence, le visage souriant du péon. « J'ai tellement sommeil !» pensa Anaconda, essayant encore d'ouvrir les yeux. Immense et bleuté, ses œufs débordaient du toit de paille et couvraient tout le sol. « C'est l'heure de dormir, » murmura Anaconda, et voulant reposer doucement sa tête à l'écart des œufs, elle s'écroula dans le sommeil final. Eh bien, voilà l'histoire de cet Anaconda. Ils ne sont pas prêts de disparaître, hein. Des centaines d'œufs, des je ne sais pas combien, oh là là là là. Je vais vous laisser avec une musique uruguayenne, bien sûr. Allez, à tout bientôt sur Radio Gémozo.